Dans les bandes dessinées de Franquin et les Gaston Lagaffe notamment, il y avait un personnage qui s'appelle Monsieur de Messmaker, un personnage un peu ventripotent qui porte une ceinture au dernier cran avec de grosses lunettes et auquel Pruny essaie de faire signer des contrats et ça ne marche jamais. Et vous, dans Il faut tuer José Bové, vous mettez en scène les chefs d'entreprise, Jules, qui veulent la peau de José Bové parce qu'il n'est pas d'accord pour qu'on fabrique des poupées à son effigie. Cet homme-là veut garder la maîtrise de son image. Et alors, vous avez inventé un truc en dessin. C'est la façon de porter le cigare. C'est-à-dire que quand ces patrons ne parlent pas, le cigare est en bouche. Et dès qu'ils ouvrent la bouche, le cigare, vous avez inventé le cigare en lévitation. C'est-à-dire que pendant que les types parlent, le cigare flotte comme ça dans les airs et ils attendent que la bouche se referme pour flac, revenir en bouche. Mais ça marche aussi pour la pipe en fait. Mais c'est parce qu'ils parlent en bougeant ça la pipe. Ça marche aussi pour la paille et la burqa. Voilà, bah, ça marche pour pas mal de choses, mais parce qu'ils parlent très vite. C'est des personnages qui parlent très vite et qui bougent très vite, mais comme à chaque fois le cliché est pris juste au mauvais moment, bon, c'est comme des photos ratées où il y a toujours quelqu'un qui a les yeux fermés dessus. Et vous noterez que dans la croisade Samus, quasiment personne ne fume. On est passé dans un monde non fumeur en une année. C'est un vrai changement de civilisation. Et ça, c'est un vrai plaisir de dessinateur quand on a une trouvaille. En tout cas, c'est un plaisir de lecteur déjà. Quand on est face à une trouvaille graphique comme ça, on se dit tiens, allez, hop, j'invente le cigare en lévitation. Voilà, mais bien sûr, c'est assez excitant de dessiner en bande dessinée. Par rapport au dessin de presse, on a plus de chances, de choix, de temps, d'espace pour développer des trouvailles graphiques, parfois qu'on aurait, justement pour des questions de délai, d'urgence, pas le temps de mettre en place dans la presse. Et d'ailleurs, c'était mon axe intéressant à développer pour moi dans la croisade Samus par rapport à Il faut tuer José Bové, qui était un album beaucoup de dialogues, de comiques, de discussions. Là, il y a des choses vraiment purement graphiques, difficiles à décrire d'ailleurs, même à la radio. Le World Trade Center en boule à neige. Voilà, le World Trade Center, on voit les tours, et puis elles se retournent, et puis elles reviennent droites, on ne comprend pas du tout ce qui se passe. En fait, c'est une boule souvenir avec la neige qui tombe autour, et puis deux, trois choses comme ça. Et puis finalement, je me suis aussi attelé à des choses qui me faisaient peut-être un petit peu plus peur graphiquement, parce que c'est un trait un peu, je dirais, épuré, caricatural, plus dans un style Simpson que dans un style Bilal, évidemment. Mais quand même, je me suis forcé à travailler plus et à faire des scènes de ville avec des perspectives et des immeubles, parce que jusque-là, c'était assez... Bah, d'ailleurs, ça allait toujours un petit peu, c'est un petit peu cubiste, les visions urbaines. Bon, mais j'ai fait des efforts. En plus, avant de... Pourquoi je dis en plus? Vous vous dites d'une certaine façon, moi je dis en plus. Avant d'être dessinateur, Jules, vous avez enseigné quelque temps. Vous avez fait Normale Sup, vous avez passé la Grègue, et vous avez étudié le chinois, plus précisément... redites-moi d'ailleurs. J'ai étudié le chinois longtemps parce que je devais faire de... Vous avez fait plusieurs voyages là-bas. En fait, en rentrant en seconde à l'école, au lycée, je devais faire arabe troisième langue. Et en fait, j'ai été viré du lycée où je devais faire arabe dès le premier jour pour des raisons de surbooking. Et le lycée où je suis allé, il n'y avait que chinois troisième langue. Donc j'ai fait ça complètement par dépit. Mais je suis tombé sur un très très bon prof qui m'a donné vraiment le goût de ça. Et j'ai voyagé du coup un peu. Il y avait des échanges organisés avec l'université à Pékin. Donc c'était vraiment bien de pouvoir partir. C'était en 89-90 là-bas. Et j'ai continué à travailler là-dessus pendant tout le temps de mes études. Et en fait, moi, j'ai fait des études d'histoire, en fin de compte, mais je m'étais spécialisé en histoire chinoise. Et vous parlez chinois? Bah voilà, enfin, c'est-à-dire, il faut vraiment entretenir. Par exemple, à l'écrit, aujourd'hui, mon niveau de caractère s'effondre jour après jour, parce que si on n'entretient pas, c'est assez difficile. Alors, je ne vais pas avoir la prétention d'approfondir vos connaissances sur la Chine et la civilisation chinoise, mais je voulais vous faire écouter un extrait de Connaissance du Monde. Patrice Pavard filme la Chine depuis plus de 30 ans. Il parle, écrit le chinois et vit à Pékin. Avec lui, vous découvrirez une Chine inconnue, celle des grands maîtres taoïstes et de leurs rites secrets. Il vous emmènera dans la plus belle montagne de Chine, le Huangshan, lieu d'élection des peintres et des poètes, admirer les mers de nuages. Vous partagerez avec lui à plus de 5000 mètres d'altitude la vie des nomades tibétains. Et vous apprendrez que la Chine n'est pas la grande puissance que l'Occident redoute. Mais Mais Cambert est contre tous les grands bouleversements politiques. Elle a su garder ses traditions et son humour. C'est quand même ça le plus important. Mais oui, mais les Chinois ont beaucoup d'humour. Et c'est difficile, parfois difficile à traduire, à rendre. D'ailleurs, cette question de l'humour national, c'est quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai l'impression que mes bandes dessinées, elles sont difficilement traduisibles et exportables. Parce que, bon, évidemment, José Bové, c'est un personnage français. Mais même là où il y a des personnages internationaux, a priori connus par tout le monde, c'est difficile à transcrire. Et puis, moi, souvent, j'ai fait, en voyageant en Chine, je faisais des dessins que je montrais aux gens. Bon, ça les faisait marrer, mais sans plus, c'était vraiment pas le même genre de représentation. Mais à l'écoute de ce son, le micro était resté ouvert et on ne vous entendait pas parce que vous bougiez juste la bouche et faites de la lecture labiale et vous disiez c'est vrai. Non, c'est hallucinant pour une simple raison, c'est que la personne qui parle là, oui, la connaît hyper bien, c'est un type génial, c'est un des plus grands spécialistes du taoïsme et qui fait aussi des conférences connaissances du monde, qui sont des trucs grand public, souvent un peu tarte à la crème, mais qu'on le mérite. En tout cas, ces films sont... Je pense que c'est complètement inégal, les trucs connaissances du monde, mais ceux-là, précisément sur la Chine, ils sont vachement bien. Et Patrice Pavard, là, c'est un sinologue merveilleux, qui vit à Pékin toute l'année et qui est remarquable. Alors là, on parle de la Chine, tandis que vous dessinez dans Charlie Hebdo et que vous êtes auteur de bandes dessinées. Finalement, on se rend compte aussi que le propre des dessinateurs de presse, c'est d'avoir un parcours assez sinueux. Moi, j'ai tendance à dire que c'est un métier où il y a presque personne qui est représenté. Il y a 100, peut-être maximum, 100, peut-être 80 dessinateurs de presse qui vivent de ça en France. Je pense qu'il y a davantage de maréchaux ferrants, quoi. C'est un corps de métier très, très peu représenté. Donc, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de points communs tellement forts entre tout le monde. Il n'y a que des trajectoires individuelles très bizarres. Et moi, les gens avec qui je travaille, ils viennent de tous les univers, tous les horizons. Ils ont fait toutes sortes de boulots. Ils viennent de toutes les régions ou tout. Voilà, c'est éclectique. Il l'a dit. Merci, Jules.